Chapitre sixième, le bal. Gaston n'eut garde de manquer au bal de la baronne. Narsac, en lui remettant son invitation, lui avait dit qu'Adrienne y serait. Le poète passa 4 jours insensés. Il allait revoir enfin cette femme qu'il aimait d'une passion effrénée. Il allait pouvoir la contempler, lui parler, la presser contre lui, car il danserait avec elle. Il sentirait contre sa poitrine ce rêve devenu femme pour lui. Il sentirait la chaleur de ce visage adoré, mais elle, le regarderait-elle? Lui laisserait-elle prendre ses privautés de danse si charmantes pour un amant, lui qui avait fait si peu de cas du rendez-vous qu'elle lui avait donné? Ses idées si disparates bouillonnaient tour à tour dans son cerveau. « N'importe, se disait-il, j'irai, je trouverai le moyen de lui avouer mon amour. S'il le faut, je lui créerai que je l'aime, et que c'est parce que je l'aime que je ne suis pas allé aux Tuileries. » Il était ivre de ses propres idées quand le journaliste vint le prendre pour aller au bal. Quand ils entrèrent chez Madame de Neuburg, la baronne faisait le tour du salon avec Adrienne au bras. La jeune femme avait une robe en tulle blanc bouillonnée, parsemée de semis d'argent. Ses cheveux dorés, relevés à la grecque, étaient simplement retenus par un gros anneau d'or. Narsac présenta son ami à la baronne. « Vos amis sont les miens, » dit en souriant Madame de Neuburg. Puis, se tournant vers Adrienne, « Chère belle, je vous présente un poète. » Gaston salua avec gaucherie. La duchesse répondit par un sourire ironique et reprit le bras de la baronne. « Te voici dans la place, » dit le journaliste à son ami. « Je t'avertis que ton Adrienne n'aime pas les gens maussades. Si tu veux t'inscrire sur la liste des favoris, fais feu de toutes pièces. Surtout, ne perds pas de temps. Tout le monde se la dispute. Après 100, on fera une croix et l'on ne s'en occupera plus. » Nous avons déjà dit tout ce qu'on pensait sur Madame de Bussiardin. Gaston ne comprit qu'à moitié l'allusion de Narsac. Il voulut en savoir plus long. Mais le journaliste l'avait déjà quitté pour papillonner dans la galerie. Resté seul, il se mit dans l'embrasure d'une porte, cherchant des yeux la femme qu'il aimait. Il ne tarda pas à la découvrir au milieu d'un cercle de jeunes gens qui tous lui faisaient la cour. Pour elle, elle souriait et parlait à chacun. Gaston était à la torture. Les quelques mots de son ami lui revinrent à l'esprit. Son œil devint sombre, mais presque aussitôt le regard de l'ange se croisa avec le sien. Il se sentit rougir. En un instant, son amour s'accrut en raison directe du dédain que son esprit venait presque de concevoir. Il chercha à s'approcher d'elle. La valse commençait. Bientôt, entraîné par le tourbillon de cette folle frénésie qui fait que pendant 10 minutes, une femme est à celui qui la tient enlacée, Adrienne passa près de lui, il sentit le frôlement de sa robe. Le luxe des toilettes, l'éclat des bougies, les parfums, tant de jolis bras, de belles épaules, des bouquets, des airs de Schubert, l'avaient mis hors de lui. Au moment où elle passait, il s'empara frénétiquement du mouchoir qu'elle tenait à sa main. La jeune femme seule s'en aperçut. Tout en s'éloignant avec son valseur, elle tenait les yeux fixés sur ceux de Gaston. Au second tour de valse, elle s'arrêta à côté de lui. Prêtant peu l'oreille aux inepties qu'ont pour l'habitude de dire les beaux de salon, elle le regarda, cherchant à découvrir dans ses traits quelque chose de noble, puis tout à coup lui adressant la parole. « Monsieur, vous m'avez demandé une valse. Je croyais les avoir toutes promises, mais vous êtes inscrit pour la prochaine, si toutefois je n'arrive pas trop tard. » Son sourire était en même temps affectueux et plein d'angoisse. « Je n'espérais plus, madame, avoir ma part de la fête. »« À tout à l'heure, » murmura la duchesse. Puis il reprit le bras de son danseur et disparut dans le flot tourbillonnant. Gaston était interdit. « Sans doute, » pensa-t-il, « elle m'a trouvé de la dernière inconvenance de lui enlever son mouchoir. Peut-être ai-je mal fait. » Cependant, il le mit sur son cœur. Quand la valse fut terminée, il se dirigea vers l'endroit qu'occupait Adrienne. Une 20aine d'attentifs l'entouraient. Il se fit faire place et fut auprès d'elle. La duchesse causait avec un jeune auditeur au Conseil d'État, à peine âgé de 27 ans et déjà décoré. L'auditeur toisa d'un air assez impertinent ce nouveau venu qui interrompait non pas un tête-à-tête, puisqu'il n'était pas seul auprès de Madame de Bussiardin, mais une causerie d'intime. Gaston le regarda avec au moins autant de dédain et entama une conversation avec Adrienne. « J'étouffe, » dit-elle, sans prendre souci du cercle formé autour d'elle. « Monsieur Derfurt, donnez-moi votre bras. » Bien qu'on fût fort accoutumé aux caprices de la jolie duchesse, les intimes trouvèrent ce dernier trait peu charmant. Adrienne ne s'en inquiétait guère, elle paraissait heureuse. Elle fit l'office de cavalier et entraîna Gaston. Lorsqu'ils furent un peu séparés du monde, elle se suspendit à son bras comme une folle amoureuse. Elle sentit ce bras trembler, non pas sous le poids du sien, mais sous une émotion intérieure. Elle augura de ce tremblement qu'elle était aimée. Gaston était ravi. Le monde n'existait plus pour lui, mais il n'osait parler. Il craignait de souffler sur son rêve. « Vous avez donc bien peur que le domino blanc ne se changeât en diable à la ville, que vous avez évité de le rencontrer ?» lui dit-elle avec une grâce exquise. « Savez-vous que vous m'avez dégoûté pour toujours des rendez-vous ? Au surplus, vous avez peut-être bien fait. Un caprice de femme est si vite passé. Vous faites bien, vous autres hommes, en cherchant à les en corriger. » Gaston pâlissait, et ce trouble remplissait la duchesse de joie. « Mais, ajouta-t-elle, si vous craignez les mystifications dans les rendez-vous, vous êtes au bal d'une hardiesse. Dans quel but m'avez-vous si gracieusement arraché mon mouchoir ? Je voulais posséder quelque chose qui vous eût appartenu. Ah, vraiment, la façon est ravissante. En vérité, madame, vous êtes cruelle. Ne savez-vous pas que je vous aime ? Et qui me l'aurait dit ? L'action insensée que je viens de faire. Et ma présence dans ce salon où je n'étais jamais venu. J'aurais tout fait pour vous retrouver. Car du jour où je vous ai rencontré, j'ai senti que ma vie était liée à la vôtre. Si je ne suis pas allé au rendez-vous, c'est parce que je vous aimais et que la folie de la veille pour un inconnu était passée. Votre image était devant moi et me rappelait que c'était vous seul que je devais aimer. Mais quand j'ai vu que le domino blanc, c'était vous, vous, madame, j'ai failli en devenir fou. » Adrienne ne riait plus, elle le regardait, elle voulut répondre. « Ah, je vous en conjure, madame. Ne parlez pas encore. Votre démarche, l'autre jour, celle d'aujourd'hui, m'ont fait croire, non pas que vous m'aimiez, je n'osais l'espérer, mais que vous avez vu que je vous aimais. Je vous en conjure, ne vous jouez plus de moi. Si je me suis trompé, si je n'ai vu qu'un caprice, dites-le. Détruisez brutalement mon illusion, mais séparons-nous. J'aurai fait un beau rêve, voilà tout. Le réveil sera seul pour moi. Dans le monde, vous autres grandes dames, vous jouez avec le cœur. Vous, Adrienne, vous êtes trop belle, vous êtes trop bonne pour agir ainsi. » Les yeux de la duchesse étaient limpides comme à ces moments de rêverie. Elle écoutait avidement. « Voici la valse que je vous ai demandée, » répliqua-t-elle. « Êtes-vous d'avis de la danser ?»« Oui, » répondit Derfurt avec ardeur. « Je tiens à valser avec vous. C'est vous qui m'avez invité. » Adrienne laissa prendre sa taille charmante par le poète. Lorsqu'ils se retournèrent, ils aperçurent Narsac et la baronne qui causaient à voix basse tout près d'eux. Sans doute, ils avaient entendu leurs dernières paroles. La valse emporta les deux amants. La tête blonde d'Adrienne s'appuyait presque sur l'épaule de Gaston, qui sentait contre son visage une soie d'or toute parfumée. Adrienne ne parlait point. Son amant ne songeait point à rompre ce silence. Il comprenait assez que la femme répondait à ses questions par l'abandon de son corps. Ils dansèrent jusqu'à la fin sans prendre aucun repos. Au dernier coup d'archet, leur front s'effleurait. « Adrienne, » dit à voix basse Gaston en reconduisant la duchesse, « dites-moi si vous êtes encore pour moi le domino blanc. Vous enverriez encore votre ami au rendez-vous ?»« Non, je suis Adrienne. » Au moment où les deux amants se quittaient, un vieillard s'approcha de la jeune femme. Gaston était auprès de madame de Neuburg. « Voici le mari de la jolie femme avec qui vous venez de danser, » lui dit-elle. Il était 3 heures. Adrienne sortit avec le duc.